Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire Oscar Peterson, la plus brillante étoile canadienne au firmament du jazz. J'avais demandé à ma père s'il est possible de quitter l'école pour la musique. Quel âge avez-vous à ce moment-là? 15. Il a dit à moi, si vous quittez l'école, il faut nécessaire pour vous venir le meilleur pianiste de jazz au monde. Oscar Peterson aura su relever le défi que son père lui lance en boutade le jour où il lui dit qu'il veut quitter l'école pour se consacrer au piano. Dans ses plus belles années, Oscar Peterson sera effectivement considéré comme le meilleur pianiste de jazz au monde. Grand parmi les plus grands, il va côtoyer les Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Billie Holiday, Louis Armstrong, qui le surnommeront tous d'ailleurs l'homme aux quatre mains, de même que Duke Ellington, qui lui va l'appeler le Maharaja du clavier. Et en ces monstres sacrés du jazz, Oscar Peterson se reconnaissait. I'm the purist. I love Duke Ellington. I love Ella Fitzgerald. I love Billie Holiday. I love Charlie Parker because they were purists. And I'm a purist. Jazz, c'est la qualité de ces improvisations-là. Oui, l'improvisation, c'est tout dans le jazz, je pense. C'est la composition instant, n'est-ce pas? Je vous voyais jouer tout à l'heure de la coulisse. Est-ce que vous jouez toujours avec autant de plaisir que ce soir? Pas tout le temps. Ce soir, c'était la même chose quand je joue chez moi, n'est-ce pas? Je pense que c'est ma ville. Puis toutes les personnes qui viennent en concert, they remember me. Ils se souviennent de vous, ils ne vous oublieront jamais. D'ailleurs, vous aviez l'air enchanté de jouer, vous jouiez en chantant et en riant tout le temps. Oui, c'est nécessaire. Quand je suis très joli avec la musique, je chante puis je rire. Sur la pièce Place Saint-Henri, Oscar Peterson, qui répondait aux questions de Guy Villot à l'émission Partage du jour en 1963, pour nous rappeler la place immense qu'occupait Oscar Peterson sur la planète jazz au 20e siècle. Mon invité est l'animateur de l'émission Quand le jazz est là, présenté à Ici Musique, Stanley Péan. Stanley Péan, bonjour. Bonjour. On vient d'entendre un extrait de Place Saint-Henri. C'est l'une des trois pièces, Stanley, que vous nous avez suggéré d'utiliser dans la préparation de cette émission. Pourquoi? Pourquoi Place Saint-Henri? Elle est très, très emblématique d'abord de son jeu. Et en plus, c'est une composition où Oscar Peterson nous dit l'attachement qu'il a à son quartier, la petite Bourgogne, le quartier Saint-Henri. C'est là qu'il a grandi, c'est là qu'il a appris de jouer du piano. D'abord avec sa sœur qui lui a enseigné, mais ensuite avec d'autres professeurs de Montréal. Et il a toujours été très attaché à sa ville. Quand il y revenait, il dit « je joue chez moi ». Même s'il est parti vivre ailleurs au Canada, même s'il a fait une carrière éblouissante aux États-Unis et à travers le monde, il s'est toujours senti montréalais. Ses racines l'ont toujours habité où qu'il soit. On a souvent dit que c'était l'un des meilleurs. On a même dit que c'est le plus grand pianiste de jazz au monde. Pourquoi? Qu'est-ce qui faisait de lui un si grand pianiste? Mais c'est d'abord l'extrême virtuosité d'Oscar Peterson. On a l'impression qu'il y a plus qu'un pianiste qui joue. C'est pas pour rien qu'on dit Monsieur Quatre Mains. Et c'est drôle parce que c'est arrivé dans sa jeunesse. Son père lui fait entendre Art Tatum. Sur disque, et il dit à son père, c'est qui les deux pianistes qui jouent? Et son père lui dit, non, c'est pas deux pianistes, il y a un seul pianiste qui joue. Et c'est la première idole dans le jazz, parce qu'il faut dire qu'il a une formation classique aussi, Oscar Peterson. Et donc, mais l'idole première dans le jazz, c'est Art Tatum, et il veut égaler ce style-là. Art Tatum, qui était qualifié de dieu par certains critiques, qui était admiré des grands virtuoses du classique. Horowitz dit « je ne pourrais jamais jouer ça ». Ça, c'est l'idole de base de Peterson, qui est devenu son ami plus tard, qu'il a, dans l'esprit de beaucoup de critiques, surpassé parce qu'il a su intégrer dans son jeu les innovations qui arrivaient dans le jazz au moment où Peterson atteint sa maturité. Alors, parlons-en de son jeu, de son style, au-delà de la simple virtuosité. Comment le définir, ce style Peterson, avec ses forces et ses faiblesses? Écoutez le pianiste montréalais Oscar Peterson répond aux questions de Michel Garneau à l'émission Tempo en 1963. Allez voir, c'est intéressant. Oscar Peterson, si je vous dis que vous êtes un musicien de jazz, disons mainstream ou middle stream, est-ce que vous acceptez ça? Oui, c'est vrai, ça. Est-ce que vous, personnellement, vous êtes influencé par des choses, par des éléments du jazz moderne, très moderne, par exemple? Je suis influencé par les hommes comme Dizzy Gillespie puis Charlie Parker. Des hommes comme ça. Il est des grands personnes de jazz pour moi. Est-ce que souvent, en fait, les critiques de jazz vous disent que vous êtes trop technique? On vous accuse de ça, d'être trop technique. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Je suis très enchanté que... Mais... C'est que les mêmes choses qu'il avait accusé personne comme Art Tatum, c'est un honneur pour moi. Parce que je pense qu'il est nécessaire pour jouer cet instrument avec ton... Avec les doigts. Avec les doigts, pas les pieds, n'est-ce pas? Oscar Peterson, merci beaucoup. Au-delà de la boutade, c'est fabuleux cet extrait, mais au-delà de la boutade finale qu'on entend dans l'extrait, on joue du piano avec ses doigts, pas avec ses pieds. Comment décrire ce style Peterson? Puis que dire de cette critique 63, ce qu'on vient d'entendre? Ça va le suivre toute sa vie. Ben oui, et ça le suivait dès le début. Ouais. Mais il trop l'a dit, technique, trop l'attachement froid. À Art Tatum, il l'a dit. C'est ça qu'il veut faire. Trop technique, trop froid. Je veux pas me lancer dans ce débat-là, mais chose sûre, il y a énormément de techniques. C'est une technique qui lui vient du stride, qui lui vient du boogie-woogie, qui lui vient du swing. Il a cette volonté que ça bouge sur le piano, et il a la capacité de le faire, ouais. De faire ces notes très, très rapides, ces passages glissando sur le piano. En fait, c'est drôle qu'on l'a accusé d'être trop technique, alors que certaines personnes comme Charlie Parker ou Dizzy Gillespie, c'est jamais un problème qu'ils soient extrêmement techniques eux aussi. Peut-être parce qu'eux, ce sont des innovateurs, et il a dit, lui, il a été influencé quand même par eux. Il vient du swing, il vient des jazz antérieurs au jazz moderne, mais il a su entendre chez Gillespie, chez Charlie Parker, des innovations qu'il pouvait intégrer dans son jeu et donc rester pertinent. Ouais. Sans être un innovateur, on peut pas dire qu'il a inventé un nouveau langage du jazz, il a juste poussé au maximum ce qu'on pouvait faire dans certains styles qui étaient les styles avec lesquels il avait grandi. Parce qu'il reste, il disait au tout début aussi, je suis un puriste, j'aime les puristes. Ouais, il aime les puristes, mais il nomme Dizzy Gillespie et Charlie Parker, ouais. Qui eux sont des aventuriers, sont des gens qui veulent pousser plus loin. Lui, c'est pas qu'il ne veut pas pousser plus loin, mais on peut pas dire qu'il a inventé un ouais. nouveau style. Vous l'avez un peu évoqué déjà, la musique vient très, très tôt dans sa vie. C'est sa sœur, donc, qui commence première, à lui enseigner le piano. Première, oui. Tout le monde joue de la musique dans chez les Peterson. Oui, il a un frère trompettiste. Lui-même s'en allait vers la trompette. C'est la maladie qui le fera se réorienter vers un autre instrument tout aussi exigeant, sinon plus. C'est l'instrument orchestral, le piano. On peut tout faire tout seul. Et il va, d'ailleurs, dans les années 70, au début des années 70, à une époque où il ne sait plus qui peut être son interlocuteur, choisir de faire cavalier seul, il va tourner beaucoup en solo. Mais donc, toute la famille joue de la musique. Ses deux sœurs enseignent le piano, la plus jeune aussi, pas à lui par contre. Mais c'est quelque chose d'extrêmement important dans cette famille-là, comme ça l'était pour beaucoup de familles noires du sud-ouest de la ouais. ville aussi. Il y a une tradition d'avoir de la musique live dans la maison. Et cette maladie qui lui fera abandonner la trompette dont vous parlez, c'est la tuberculose. C'est la tuberculose quand il est jeune. Donc il va se tourner vers le clavier. Il commence, évidemment, il est de Montréal, il commence sa carrière à Montréal. Comment résumer, très jeune, autour de 14-15 ans, comment résumer cette période montréalaise du début de la carrière d'Oscar Peterson? Cet adolescent qui est invité à jouer dans les boîtes de nuit et qui finit par dire à 15 ans, ça va être ça toute ma vie, se produit dans en haute ville, comme on dit à l'époque, uptown, avec le Johnny Holmes Orchestra. C'est un orchestre blanc dans une salle de danse réservée à une certaine bourgeoisie montréalaise. Et donc, il est le seul musicien noir là-dedans. Il est tellement exceptionnel qu'on le garde en dehors de ça. La radio se met à diffuser des émissions où c'est simplement lui qui joue. Alors, il devient rapidement une vedette locale et ça, c'est d'abord Montréal, mais ce sera bientôt tout ouais. le Canada qui l'écoute à la radio de CBC. Il crée c'est un trio, je pense, déjà. Hein? Il va jouer beaucoup au Alberta Hall. Alberta Lounge, il va jouer là avec son premier trio, donc un trio traditionnel. Il est déjà influencé par Teddy Wilson et Nat King Cole. C'est les influences jazz qui s'ajoutent à celles gigantesque de Art Tatum. Et c'est une attraction. Si tu passes à Montréal et que t'aimes le jazz, ouais. il faut aller à l'Alberta Lounge écouter Oscar Peterson. Ouais. Et les musiciens qui passent viennent l'entendre. C'est à ce moment-là qu'il va entendre, que Dizzy Gillespie va l'entendre à la fin des années 40, ouais. Dire « wow ». Et il va descendre, retourner à New York, Gillespie, en disant « il y a un pianiste ». Exact. Ça va commencer à, on va commencer à parler de Scott Peterson. Lui, il dit à Leonard Feder, qui est le plus prestigieux des critiques new-yorkais, il dit « il faut que tu ailles à Montréal, ouais. Écouter Oscar Peterson. Ça ressemble à jamais rien de ce que tu as jamais entendu. Il, c'est fou ce qu'il est capable de faire au piano. » Et ce jeune, Oscar Peterson, c'est dans ses premières années vraiment, puis on verra l'importance que ça aura dans ce qu'il développera comme style et comme musique, mais c'est du boogie-woogie, là. Ses débuts montréalais. On dit que c'est le maître du swing. On l'écoute, autre extrait formidable, nous donner une manière de leçon de musique sur le boogie-woogie en 1963. Pour jouer boogie-woogie, il faut nécessaire de faire une séparation complètement des mains. Parce que la main gauche fait des rythmes. Beaucoup de rythmes comme ça pour Boogie Woogie, un autre comme ça. Un autre très simple comme ça. Puis le plus populaire de ce temps, c'est un style qui s'appelle le main gauche qui marche. Oui. Il y a un pianiste qui ne joue pas comme les autres, M. Earl Garner. Puis il joue avec sa main gauche qui joue les mêmes notes comme une guitare, comme ça, il est fait comme ça. Quand il joue comme ça. Quelle importance ça va avoir, le boogie-woogie dans la carrière, dans le style Oscar Peterson? Ben, il a tout dit, là. C'est l'indépendance des deux mains. Ouais. Puis ça, on retrouvera ça jusqu'à ce que sa main gauche soit affaiblie après un ACV dans les années 90. C'est ce qui ressort de son jeu, c'est cette extraordinaire indépendance des deux mains. Elle dialogue comme si c'était pas la même personne qui jouait les deux. Là. Alors, il y a une coordination de l'inspiration d'abord, une grande, grande connaissance des formules rythmiques du boogie-woogie et du swing, et cette imagination qui se déploie sur la main droite. Alors là, c'est la mélodie, c'est ce qui domine, mais toujours avec cette base extrêmement dansante, extrêmement swing. On parlait du fait qu'il joue à Montréal, donc beaucoup de boogie-woogie, mais que ça commence à s'ébruiter jusqu'à New York. Parlons de cette fabuleuse histoire qui remonte à 1949, qui va être vraiment un grand déclic pour lui. Il joue donc à Montréal, on l'entend à la radio, et à ce moment-là, l'impresario producteur Norman Granz est de passage à Montréal, il l'entend à la radio, et ça va changer sa vie complètement. Ben absolument, parce que d'autant plus que Norman Granz, on lui en avait parlé, mais il n'avait pas fait le choix d'aller l'écouter. Et il est sur le chemin du retour. Il est dans un taxi vers l'aéroport. La radio est ouverte. Il demande au chauffeur, mais qui est ce pianiste? Le chauffeur lui répond comme, vous devriez le savoir. Là. C'est Oscar Peterson à l'Albert Hall Lounge. C'est live. Puis il dit, bon, OK, on ne va plus à l'aéroport. Je vais rencontrer Oscar Peterson. Il s'est présenté. Je suis Norman Granz. Puis moi, je suis prêt à signer avec vous. Je suis prêt à devenir votre impresario. Je veux que vous enregistriez pour mes films. Il y avait des labels de disques déjà à lui, les Clay et Verve. Mais d'abord et avant tout, il l'invite à venir participer à Jazz at the Philharmonic. C'était des grandes, grandes, grandes soirées avec plusieurs musiciens invités, des jam sessions, des moments solos. Il va le mettre là sur scène avec les grands qui font de ces soirées-là des happenings. C'est-à-dire, c'est Dizzy Gillespie, c'est la génération précédente aussi, c'est Coleman Hawkins, c'est Lester Young, c'est tous des grands, et là, voici l'inconnu, mais dont on entend parler, qui est précédé par cette réputation. Les gens qui sont passés par Montréal savent qui il est. Et il va le faire jouer avec Ray Brown, contrebassiste, super contrebassiste déjà dans ceux qui montent. Puis il va créer là une complicité entre Brown et Peterson qui va se poursuivre à travers différents trios des formations qu'il aura au fil des ans. Puis en fait, le trio qu'il va former justement avec Ray Brown à la basse et avec le guitariste Herb Ellis au début des années 50, certains vont dire que c'est le meilleur trio de tous les temps quand on parle de trio piano, contrebasse, guitare, et ça va donner entre autres ce qui suit. C'est en 1962 qu'Oscar Peterson enregistre donc avec ce fameux trio dont on parlait, le disque Night Train. On dit que c'est son disque phare. Ah, pour moi, c'est le disque le plus exemplaire. Ben, c'est la formule arrivée à sa perfection. Ils travaillent ensemble depuis une dizaine d'années. Il y a quelques guitaristes qui avaient précédé Herb Ellis, mais Herb Ellis s'installe comme étant l'homme de la situation. Ils vont être ensemble pendant toutes ces années. Et ce niveau de communication entre les trois, comme j'ai dit, s'il n'y a rien d'innovateur là-dedans, il y avait quelque chose du Nat King Cole Trio des premières années de Nat King Cole. Il prend cette formule-là, il la raffine et le fait avec des interlocuteurs dignes de lui. Et ça donne une musique qui a l'air toute simple, c'est une musique qui est facilement accessible. Elle est mainstream, comme lui disait Michel Garneau, mais elle est parfaite. Il n'y a pas de faute dans cette musique-là. Pas de batterie dans cette formation. Oui, dans cette formation, pas de batterie. Et c'est particulier. C'est ça, c'est l'héritage de Nat King Cole qui avait imposé cette formule-là, tout simplement parce qu'un batteur n'était pas venu à un engagement qu'ils avaient. Puis il a dit, mon Dieu, ça sonne bien. Ouais. Et donc, il y a ce modèle-là qui reste très, très présent à son esprit. Il a fait deux disques où il chantait. Peu de gens le savent. Oscar Peterson chantait aussi à la manière de Nat King Cole, avec une voix très, très proche, moins la précision, je dirais, de la diction. Mais bon, c'était pas un chanteur, mais quand il chantait dans ce style-là. C'est ce style-là qui l'a bercé, c'est ce style-là qu'il a envie de faire. Et sur Night Train, qui sont des... Bon, c'est un blues qu'on vient d'entendre là. C'est des formules assez simples, c'est des musiques assez accessibles à tout le monde. C'est pas Kind of Blues, c'est pas de Miles Davis, ou c'est pas Time Out de Brubeck. C'est pas un disque qui est en train de réinventer quoi que ce soit, mais c'est un disque, ce qu'il fait, il le fait extraordinairement bien. Et c'est sur ce disque, Night Train, que l'on retrouve la pièce « Hymn to Freedom ». Teniez, Stanley Péan, ce qu'on entend cette pièce dans l'émission. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est sa composition la plus emblématique. Il a fait son Canadian Suite quelques années après. Il a composé beaucoup pour sur commande, pour des grands événements, pour le mariage de Lady Di. Il a composé beaucoup de choses. Mais ça, Hymn to Freedom, c'est sa première prise de position dans un instrumental, bien sûr, mais c'est la question de l'égalité raciale. On est au début des années 60. La problématique, elle est vraiment partout dans les médias et ils décident de faire un hymne à la liberté. Un jour, nous serons tous libres. Les paroles vont venir bientôt et ça deviendra une chanson qui sera dans tous les rassemblements autour des droits civiques des Noirs aux États-Unis. Parce que lui, il a grandi au Canada où c'était pas tout à fait la même situation. Il a connu le racisme aussi, mais ce racisme systémique, cet apartheid doux des États-Unis, il le voit de l'extérieur parce qu'il est un Canadien et qu'en plus, il est une vedette. Il n'a pas vécu les difficultés dans le Sud, mais il les constate tout de même. Ouais. Et il décide donc de faire ça sur un air de gospel. C'est presque de la musique sacrée. Le temps file. Il reste quelques décennies devant nous. On va y aller un peu en cascade, mais les années 70, Stanley Péan, deuxième important trio pour lui avec Joe Pass à la guitare, avec Nils Henning Ørsted Pedersen, contrebassiste scandinave. Il retrouve le type d'interlocuteur qu'avait été pour lui Herb Ellis et Ray Brown. Ouais. C'est aussi une décennie où le jazz est en perte de vitesse, remplacé par une autre musique populaire. On n'est plus dans le boogie-woogie, on est dans le rock, on est dans toutes sortes de choses. Mais lui, comme vedette, évidemment, il tourne à travers le monde, il joue dans les salles de concert les plus prestigieuses et il enregistre énormément avec les vieux copains, avec Clark Terry à la trompette, avec Dizzy Gillespie, tout ça chez Pablo, qui est la nouvelle firme de Norman Granz, avec Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, tous ces gens-là qui sont de sa génération. Donc, il fait des disques qui sont, bien sûr, ce ne sont plus ses grands, grands disques, mais ce sont des disques où il joue avec sa génération, puis il garde vivante cette musique. Des gens qu'il avait croisés, d'ailleurs, chez Verve dans les années 50, c'était un peu la reprise de tout ça. Puis des disques, quand même, qui lui vaudront quatre. Dans cette décennie-là, quatre disques de Scott Peterson vont recevoir des Grammys. Les années 80, ça nous donne peut-être l'occasion, parce qu'il va faire beaucoup de tournées au Canada dans les années 80. Beaucoup de tournées au Canada. Tranquillement, il est en train de s'habituer à l'idée qu'il va revenir ici. Et il va enseigner aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, notamment à Toronto. Et il y a toute une génération des gens qu'on entend maintenant qui auront été ses élèves et qui témoignent d'à quel point il a su, on parlait de transmission tout à l'heure, il s'est totalement inscrit là-dedans. Il faut que cet héritage-là, il faut le passer à la prochaine génération. Ouais. Les années 90, évidemment, il y aura cet AVC. Ça va vraiment être très important pour lui. Oui, le ralentir. Ross Porter, qui était un animateur de radio torontois, dira, même avec la main gauche affaiblie, Peterson joue mieux que la plupart des pianistes qui sont sur la scène présentement parce que c'est tellement un virtuose. Et bon, il est obligé de réapprendre quoi faire avec sa main. Et lui, qui en abusait peut-être parfois, selon certains critiques, va faire autre chose, va laisser plus de place à la rythmique. Et puis les années 90, donc, ce sera, bon, un Scott Peterson un peu taxé, mais ce sera le début de cette longue succession d'hommages. Ça va se poursuivre dans les années 2000. Il meurt en décembre 2007, Scott Peterson. Avec quel héritage? Pour le jazz. Ben d'abord, les pianistes qu'il a influencés, c'est le premier héritage. Et au premier rang, il y a Oliver Jones, qui était son ami, qui était son cadet de quelques années, qui a étudié lui aussi avec la sœur de Peterson et qui s'inscrit totalement dans la même lignée. Donc ça, c'est le premier disciple, mais il y en a tout plein d'autres qu'on peut entendre sur la scène canadienne comme ailleurs. Diana Krall dit que c'est lui qui lui a donné la permission d'être une pianiste de jazz. Elle a senti l'appel à cause de la musique d'Oscar Peterson. Herbie Hancock, qui est très, très, très différent, qui jamais, lui, se définirait comme un puriste parce qu'il est allé dans tous les sens dans sa carrière, rappelait quand même à quel point, jeune pianiste, Oscar Peterson est fondamental pour lui. Puis là, je pourrais nommer tous les pianistes qui l'ont suivi et qui l'ont aimé. Il a ses détracteurs, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens du peloton de tête qui ont marché dans son sillage. Stanley Péan, animateur à ICI Musique de l'émission Quand le jazz est là. Merci beaucoup, Stanley. Merci, Jacques. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.